hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique pas à un enclos d'étal de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. J'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandard, à demander des raisons. Sors vite que je ne te sors. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sors. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en attendre dans la rue et sois pas dans ma maison. Lentis tout droit comme un piqué, observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits siègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous les côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Et voilà pas de mes moucheurs qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point un homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Oh non, coquin, je ne dis pas ça. J'en rage. Je te demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Hey, que nous importe que vous en ayez, que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonnaire. Je te bats à gré de ce raisonnement assis par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterez? Eh bien, ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres? Les autres? Oui. Ben les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez-vous-même. Ces grands autres choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie à le voler. Eh? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Mais c'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis. Oui, et qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des lâches. Mais qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis ça. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à tes oreilles. Empêcherez-vous de me dire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Mais tais-toi. Je ne nomme personne. Je te recerai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Ah oui, malgré moi. Tenez, voilà encore une poche.